Zéro. Zéro, comme le silence et l'absence. Zéro problème, nos dissidents. Zéro problème pour te mettre en transe. Zéro complexe, zéro bronzette, zéro réflexe, zéro bête de sexe. Zéro regret inutile ou malversation futile. Zéro problème pour Lucille, mais pas zéro problème en ville. Zéro réticence, go, prendre des lits, rajouter un A, fallait oser. Zéro, zéro moyen de s'évader, zéro moyen de s'en tirer. Zéro moyen de me calmer, zéro moyen de me balancer, ça c'est. Zéro pointé, prends tes jambes à ton cou, y'a zéro route de retour. Je t'emmène au zéro absolu, absolument résolu. Zéro bâtard dans mes trucs, zéro flemmard. Zéro cadavre dans la soute, zéro main plongée dans la soude. Bâtis mes rimes sont lucides, car y'a zéro envie de tenir docile. Zéro problème avec mes rampes, zéro problème quand je leur chante. En chantant de me voir faire avec derrière moi. Zéro avocat, vos gardes prêts, j'attends pas le parquet. Car en plus y'a zéro moyen de me perdre dans la volée. Ah, zéro jour sans rap, zéro jour sans sap rouge. Zéro jour sans que je bouge. Zéro problème de transmission, zéro problème de vibration. Zéro problème d'allocution, zéro problème de prétention. Ah, zéro souci, zéro faux ami. Car en plus oui, y'a zéro vrai tombé dans l'oubli. Ah, t'en pas trop à côté de la plaque, y'a pas zéro moyen que je te claque. Zéro entente avec la bague, zéro entente avec les macs. Zéro risque d'être une poucave, parce qu'en plus y'a zéro risque de finir dans une cave. Zéro regard par derrière, zéro balai dans le derrière. Zéro moyen de me taire, zéro barrière. Zéro comme le silence et l'absence, putain un peu de bon sens.